Chapitre 6e, Italie. Le soir de ce 7 septembre, jour de la Saint-Cloud, l'ambassade du roi de Navarre quittait Pau. Ce n'était pas encore l'automne, et pourtant un ciel brumeux et bas cachait les cimes des Pyrénées qui, la veille, resplendissaient sous la lune. La chapelle du château royal égrenait tristement les 8 coups de 8 heures lorsque les 12 cavaliers franchirent les murailles de la ville. Givry marchait en tête de la petite troupe. Une préoccupation, naturelle au moment du départ, assombrissait un peu son visage charmant et le teintait de gravité. Tout près de lui, à 2 têtes de cheval, la varenne suivait, causant avec Babylas, à qui il faisait ses recommandations. L'écuyer du chevalier répondait par des monosyllabes, suivant son habitude laconique. Un peu plus loin, Sulpice gourmandait les bretteurs et les valets de l'escorte qui baguenaudaient trop à son gré. Fermant la marche, la Guibole et Francas d'Or devisaient amicalement, se promettant déjà Pleibos au cours de ce voyage outre-mont. La route de Perpignan s'étendait, déserte, devant les voyageurs. Quelques masures de paysans, de plus en plus éparses, annonçaient le finage de la ville. Des lueurs disséminées çà et là dans les vallons signalaient les chaumières de paysans à travers la campagne endormie. Peut-être était cette mélancolie vague se dégageant de la nature sous la nuit qui attristait Roselin. Peut-être quittait-il quelque tendre amourette, quelque maîtresse délicieusement éplorée. Ou bien appréhendait-il un échec dans la mission difficile et délicate qu'il entreprenait. Toujours est-il qu'il chevauchait sans desserrer les dents, muet comme Harpocrate, le dieu du silence. Son attitude finit par frapper Guillaume, qui poussa sa bête et se trouva à la hauteur du baron. « Or ça, mon bon, à quoi penses-tu, avec cette mine de croque-mort ?»« À rien, » répondit distraitement Givry. « Tu me la bailles, belle ?» s'écria la varenne, « ventre Saint-Gris. Comme dit le roi notre maître, je te connais assez pour savoir que tu n'as point d'ordinaire figure de carême prenant. Allons, confie-toi à moi, mon cher Roselin. Que diable, je suis ton ami. Tu ne t'en doutes pas, je pense. Certes, mon cher Guillaume, » fit Belcoeur avec un sourire qui ranima sa physionomie. Il hésita quelques secondes. « Eh bien, je puis te le dire. La mission dont nous sommes chargés ne me convient qu'à demi. »« Comment ? Tu apparaissais friande à l'abord. J'ai réfléchi. »« Ah, s'il ne s'agissait que d'aller donner ou recevoir quelques bons coups d'épée, tu me verrais plus gai et plus en train. Mais l'idée de me trouver à Rome, aux prises avec tous ces hommes noirs ou rouges, finaux et retors, ma foi, j'ai peur de leur être inférieur et d'échouer à la tâche. » La varenne se mit à rire. s'exclama-t-il, ce n'est que cela. Tranquillise-toi, ne suis-je pas là, moi? N'as-tu plus confiance en celui que tu as déjà vu à l'œuvre et que tu proclames un fin compère? C'est vrai, reconnut Roselin. Tu es un habile matois et j'ai foi en tes ressources d'esprit. Mais tous ces monseigneurs. Détrompe-toi, interrompit Guillaume, si tu crois avoir affaire là-bas seulement à des cardinaux ou à des diacres. Le pape a une armée. Elle est composée de reîtres recrutés en tous les lieux de la chrétienté, et il s'y rencontre nombre d'estomacs vaillants et de fines rapières. Tu trouveras qui parlait la langue que tu préfères, va. Tant mieux, par la mort diable, jeta Givry. Je commençais à moisir à Pau, et tout comme mon écuyer Sulpice, je ne suis pas fâché de changer d'air. Mais toi, qui es si savant, et me paraît connaître la ville où nous allons, peux-tu me dire si je n'y trouverai d'autres robes que celles des moines ? Et d'autres côtes que les côtes de maille, sois sans crainte là-dessus, à Rome comme à Paris, Vénus est la compagne de Mars, mon camarade. Il y a aussi de jolies et douces mains pour câliner le vainqueur et pour panser le vaincu. 10 jours après avoir quitté Pau, la cohorte béarnaise atteignit à Marseille. Là, elle s'accorda un repos bien gagné de 24 heures, et Guillaume préconisa qu'il serait préférable de continuer par mer. Cette solution, plus rapide, aurait en outre l'avantage d'être moins onéreuse. Roselin se rangea à l'avis de son ami et le laissa libre des moyens. Aussi, le lendemain, la petite troupe s'embarquait-elle sur une ramberge génoise qui devait toucher à Livourne pour y prendre un chargement de vin. Ce bateau quitta le port comme l'oiseau de mer quitte son nid. Le trajet ne dura que 2 jours et fut favorisé par des vents heureux. Mais à mesure que Givry approchait du terme du voyage, une impatience l'envahissait, remplaçant les appréhensions mélancoliques du départ. Il allait mettre le pied sur la terre italienne. Dès le débarquement, il faudrait jouer serré. Il exultait. ne sentait pas d'aise à l'idée qu'il allait ferrailler, tailler, estocader. Et ce seraient des combats merveilleux, où il jetterait bas tous ses ennemis, qui seraient également ceux du roi de Navarre. Puis il rêvait aussi à d'autres aventures, plus tendres, celles-là, à des luttes adorablement passionnées, à des échelles de cordes, à des divines signoras, à des alcôves parfumées, à des balcons fleuris d'une forme blanche et fine. Devant ces évocations d'amour et de péril, le sang du baron frémissait dans ses veines. Debout, contre le bord du petit vaisseau, Rosalind fixait l'horizon avec fièvre, tellement il lui tardait de découvrir les rivages de ce pays où l'attendait tant d'imprévus. Pendant ce temps, la guibole, homme pratique, faisait refaire les chevaux.